Bonjour et bienvenue dans Podcast Science. On en est au numéro 16 et toujours en compagnie de mon ami Alan. Ça va, Alan? Mais ça va très bien, merci. Et toi, Antoine? Très très bien. Alors pour les auditeurs, il faut savoir que Mathieu n'est toujours pas là. Il est toujours en vacances à se dorer la pilule en Argentine. Donc on lui souhaite que du bonheur. Ouais, je crois qu'il a voulu nous rejoindre. La semaine dernière, il n'y arrivait pas parce qu'il avait affaire à l'ordinateur capricieux de sa belle-mère. Il nous a laissé un petit mot. On est de tout cœur avec toi. Puis cette semaine, il a dit qu'il était au bout du monde. Alors, je sais pas, il a dû partir en excursion. Donc pas de Mathieu. On verra si on le Voilà. récupère avant la fin de l'année ou peut-être pas. Si jamais, Mathieu, joyeux Noël. Ah ben oui, joyeux Noël à toi, Mathieu. En plus, ça doit être de la classe de faire ça dans l'hémisphère sud, quoi. Ah Trop cool. ouais, non, ça doit vraiment être très sympa. Ouais, c'est l'été là-bas, quoi. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Et donc voilà, donc un programme assez chargé aujourd'hui, hein. On va d'abord commencer par les petites news de la semaine, quoi. Alors, juste pour savoir, tu as pris contact avec une certaine Lucille Zann, c'est ça? Ouais, alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. En fait, c'est elle qui m'a pris contact. C'est celle qui a pris contact avec moi pour m'interviewer. Tu vois, c'est la consécration absolue pour Podcast Science. C'était la semaine dernière pour un article à paraître au mois de mai prochain dans legrandpublic.fr, le D'accord. journal en ligne de la médiation scientifique. Donc Lucille est étudiante en master de communication scientifique à l'université de Strasbourg. Accessoirement, elle est auteure d'un blog de vulgarisation scientifique par l'image. Elle a un super coup de crayon. Elle est vulgarisatrice, dessinatrice, si ça existe. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais, donc son blog s'appelle C'est pas si sorcier. L'adresse est un petit peu compliquée, donc on la mettra en lien sur le site. Pour fêter notre petite discussion, notre petite interview, elle avait déjà réalisé une planche la semaine dernière qu'on avait mise sur le site. Alors, je sais pas si nos poditrices et poditeurs ont l'habitude d'aller sur le site parce que finalement, une fois qu'on est abonné au flux RSS et qu'on reçoit le podcast dans iTunes ou ailleurs, on n'a plus tellement besoin d'aller sur le site. Bah là, ne serait-ce que pour ça, franchement, ça vaut la peine d'y aller. Donc l'adresse, je vous le rappelle, c'est podcastscience.fm, tout en un mot, podcastscience, science au singulier, .fm. Verrez, super coup de crayon. Alors on a plein de nouvelles concernant Lucille. La première super nouvelle, c'est que on va baisser le taux de testostérone de l'émission, exceptionnellement le 7 janvier. Qui c'est qui nous faisait remarquer déjà qu'il n'y avait que des voix masculines? Ouais, c'est Jenny C'était Parker, Jenny c'est ça, hein, Parker, c'est ouais. Alors son Jenny, amie. voilà, bonne nouvelle. Le 7 janvier, on aura la chance d'avoir une présence féminine pour la toute première fois dans le podcast, puisque Lucille nous accorde une interview. Ça va être essentiellement pour nous parler de son cursus en master de communication scientifique. Et puis, super nouvelle 2, ça c'est carrément le scoop. Lucille a accepté d'illustrer certains des sujets que nous traitons dans le podcast. Donc en fait, elle fait officiellement partie de la bande, quoi. Alors elle Ça passera, va être énorme. ouais, elle passera dans le podcast aussi souvent qu'elle le souhaite, bien sûr. Mais son truc, ça va plutôt être l'illustration. D'ailleurs, elle a déjà illustré un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, ce sera en ligne au moment où vous entendrez tout ça. Il faut absolument venir sur le site. Voilà. Donc un petit plug en forme de scoop dans la vie de l'émission. Enfin, vraiment, vraiment content de l'accueillir parmi nous, hein. Ça va faire vraiment une collaboration entre nous qui est riche. Ah Donc, ouais. ça va être vraiment super, quoi. Ouais, avec une perspective différente et puis un talent qu'on n'a pas. Enfin, je sais pas si tu sais dessiner, mais moi pas. Alors, pas du tout, C'est un pas du talent que tout. j'ai cessé de développer vers l'âge de 4 ans et encore, j'ai bien régressé depuis. Donc ouais, vraiment D'accord, génial, ouais. on est super content. Ouais. Voilà, sinon dans la vie du podcast, juste une petite info comme ça en passant, Alain Minaret, qui a gagné le livre de Cyril Nick, nous a envoyé son adresse. Donc le livre lui a été expédié hier, en colis prioritaire par la Poste Suisse. Enfin, quand je dis hier, on est jeudi au moment de l'enregistrement, donc c'était mercredi. J'espère que ça arrivera avant Noël, on croise les doigts. Oh, ça devrait le faire, ça devrait arriver. Mais... Ouais. Donc voilà. Ben, on réitère l'invitation. Hein, si Alain, si tu as envie de nous parler de ce livre, de ce que tu en as pensé, ben, n'hésite pas à nous contacter et on pourra en parler, quoi. Ouais, ce serait très chouette. Et puis, Ouais. désolé, on fera remonter le taux de testostérone. On fait ce qu'on peut. Personne n'est parfait. Je pense pas qu'Alain soit dévoué à ce point-là. Non, non, je crois pas. Mais on a aussi notre auditrice qui a gagné un des livres aussi, hein, Christine, je crois. Christine, ouais, qui c'est m'a ça. donné des Donc, nouvelles, elle adore le livre, elle est en train de le lire. ah ben voilà. Mais Mais si elle aussi elle veut venir, ben ça fera remonter, enfin ouais, ce serait rebaisser le bien. taux Ce serait d'estostérone, bien, quoi. Christine, c'est pour la bonne cause. Voilà, quoi. Ok, ben en parlant de bonne cause, quel sens de la transition ce soir? Ouais, je voulais faire un rapide retour sur le sujet que j'ai traité la semaine dernière, Sodis. C'est un commentaire dans Twitter d'un G underscore Har qui m'a totalement ouvert les yeux quand il disait qu'il était très sceptique par rapport à cette méthode. Et je me suis rendu compte que là, j'ai été alors victime d'un biais de confiance, ou je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. En fait, quand j'ai appris que le système venait d'une école polytechnique fédérale suisse, que c'était suivi par des chercheurs un peu plus sérieux, j'ai un peu baissé mon seuil critique. J'ai pas vraiment fait gaffe, en fait. J'ai pris pour argent comptant tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Et puis c'est après que je me suis dit, mais non, d'une pipe, attends, j'aurais quand même dû aller voir s'il n'y a pas des études. Sur la méthode qui sont un peu plus nuancées, et puis effectivement j'en ai trouvé. Donc c'est pas une méthode miracle. Alors j'ai trouvé les papiers officiels de l'étude initiale, j'en ai trouvé d'autres qui dans pratiquement tous les cas démontrent que ça marche, que la méthode est fiable, mais il y a certains cas, certains contextes où ça ne fonctionne pas. Donc c'est des bactéries résistantes ou enfin des parasites qui ne sont pas sensibles Aux UV. à cette méthode, que ce soit les UV ou les infrarouges. Et c'est notamment le cas en Colombie où on a testé, enfin dans un bled de Colombie, je sais plus lequel, mais où on a testé l'impact de la méthode sur la diarrhée des enfants sans succès. C'était le soir même de l'enregistrement, en fait, que j'ai eu cette subite prise de conscience. Donc, je suis immédiatement allé mettre à jour le post sur le site en publiant les liens sur ces différentes études. Voilà, pour ceux que ça intéresserait d'en savoir un peu plus, les liens sont à disposition. Et puis, ben, à partir de maintenant, je vais faire gaffe. Je suis désolé, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Voilà, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, comme on dit. Absolument, ouais. Oui. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, c'est vraiment G.R., je ne sais pas comment ça se prononce, cette personne, mais ça a été vraiment quelque chose de rapide, hein. Elle nous a envoyé, tu avais fait paraître le dossier, genre, et dans les 20 minutes après, y a eu une réaction, quoi. Et Ouais, ça, je trouve ça vraiment exactement. cool. Ouais, c'est Vraiment vrai, cool. on n'avait pas fini de monter le podcast, on a publié le dossier Ouais. un tout petit peu avant. Enfin, monter, non, il n'y avait pas grand-chose à monter, il faut ajouter le générique au début, le générique à la fin, l'uploader, et puis mettre à jour la page, enfin, ouais, créer la page qui parle du podcast. Donc c'est un processus qui prend un petit moment. On n'était pas arrivé au bout de ce processus, qui avait déjà des réactions sur un des sujets, donc bon, bah, au moins ça m'a permis de réagir rapidement, mais c'est quand même fort, quoi, les médias sociaux, pour ça, c'est patent, quoi. Bah oui, Ouais. ça se développe et alors, en plus on est content d'accueillir toute cette petite communauté là qui nous suit. Franchement, c'est vraiment super quoi. Ouais. Et puis, bah, tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle des médias sociaux, on a 99, c'est-à-dire 99 pour nos amis hexagonaux, personnes qui nous aiment sur Facebook. Alors, avis à Ah. la prochaine ou au prochain, tu seras le centième. Voilà. Je sais pas s'il y a un moyen de savoir qui a été le centième Ouais, je à crois qu'on voit à cliquer. peu près l'ordre, en fait, Tu crois? quand on est administrateur Ah ben de la page, ça apparaît dans l'ordre. je serais bien curieux de savoir qui c'est quoi. Ouais, moi Donc aussi. voilà quoi. Alors on va continuer avec une petite un retour sur quelque chose que tu nous as parlé la semaine dernière. C'est Mars 500, c'est ça? Ouais, alors je l'ai pas évoqué comme ça la semaine dernière. Ouais. C'était en pensant pendant ton sujet sur l'hibernation, que ça m'a fait penser à un programme expérimental russe, mais c'était de mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. J'ai raconté n'importe quoi. Donc j'ai dit que c'était des cosmonautes qui s'entraînaient sur un parking au Kazakhstan. En fait, c'est pas le cas. C'est dans un centre de recherche C'est un peu plus en sérieux que Russie, ça, à quoi. Moscou. Ouais. Et puis j'ai dit que voilà, ça c'était une mission d'isolement de quelques 6 mois qui avait dû démarrer au printemps. C'est pas exactement ça non plus. En fait, Mars 500 est un programme expérimental russe qui propose de simuler sur Terre, donc sans se déplacer, le voyage aller et retour d'un équipage vers la planète Mars. Il est organisé par l'Institut des problèmes biomédicaux, l'IBMP, de l'Académie des sciences de Russie. Puis c'est le fruit d'une collaboration entre cet institut, l'IBMP, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et l'Agence spatiale fédérale russe, le Roscosmos. Et c'est une expérience scientifique qui se compose de deux missions principales d'isolation. Une première mission d'une durée de 105 jours qui a déjà eu lieu, c'était entre avril et juillet de l'année dernière, donc en 2009, et qui a servi à préparer la mission suivante de 520 jours, donc beaucoup plus longue, c'était pas 6 mois comme je l'ai dit, 520 jours c'est un an et demi à peu près, qui elle a démarré le 3 juin 2010. Ah bah tiens voilà, un truc pas trop faux que j'ai dit. J'ai dit que c'était au printemps, le 3 juin, c'était encore le printemps. Ouais, voilà. T'étais à la limite quand même. Hein. Ouais, pas loin, effectivement. Ouais. Ouais. Remarque, toi, t'as bien dit qu'on était en hiver la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes quittes. Ouais, et pour les poditeurs, 520 jours, donc ça correspond à 250 jours de voyage Terre-Mars, plus un mois d'activité... sur Mars, et 240 jours de retour, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la durée de 520 jours. Je vois ça sur un petit site qu'on vous mettra en lien. C'est super intéressant, qui donne tous les objectifs, tout ça, de l'équipage qui a embarqué. Et c'est vraiment super intéressant à lire, quoi. Ouais, même le site russe officiel de la mission, en fait, je m'attendais à ce qu'il soit en russe, mais quand on y débarque, tout s'affiche en anglais, c'est très bien. Puis on voit des photos. C'est ça, un petit côté Loft Story, c'est marrant. Loft, quoi. Story, ouais. Ça me faisait penser à Loft Story, mais scientifique, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la version sérieuse, ouais. Et utile, quoi. L'idée de ces simulations, en fait, c'est de reproduire un vol spatial habité vers Mars avec des conditions très proches de celles qui sont envisagées pour atteindre cette planète. Donc les deux missions, enfin la mission qui a déjà eu lieu et celle qui se déroule actuellement, se déroule à l'IBMP dans une installation spécialement aménagée pour des expériences d'isolement. L'équipage est composé de 6 membres qui doivent vivre et travailler de façon autonome dans cette installation constituée de plusieurs modules reliés entre eux. Puis l'intérêt principal de ce programme, c'est d'évaluer les effets psychologiques et comportementaux liés à l'isolement, et puis aussi de mieux comprendre les répercussions médicales sur l'organisme suite à des longues missions comme celle-là. Donc ce qu'on y étudie, entre autres, c'est les effets du stress, la régulation hormonale, les réponses immunitaires, la qualité du sommeil ou encore l'humeur. Et ouais, il faut savoir qu'à l'exception de l'impesanteur et des radiations, tu savais qu'on disait impesanteur pour pas qu'on confonde. Ouais, c'est un nouveau mot qui est entré dans le dictionnaire français. Moi je connaissais apesanteur. Ouais, le problème c'est qu'on confond apesanteur avec un L apostrophe, l'apesanteur, tu vois, avec la pesanteur. Du coup, il y a un nouveau mot qui a été introduit, j'ai appris ça tout à l'heure. J'étale ma confiture. Ouais, c'est la même chose que apesanteur. D'accord, ok. Voilà, donc okay, à l'exception de l'impesanteur et puis des radiations liées au rayonnement cosmique et aux éruptions solaires, dont on avait parlé dans Podcast Science numéro 12 en novembre, les conditions qui sont intégrées dans ces missions sont extrêmement proches de celles d'un réel voyage vers Mars. Donc extrêmement instructif, quoi. Ok. Alors maintenant qu'on connaît le nom de la mission, on sait où ça se déroule, on pourra vous tenir au courant. À chaque fois qu'il y a des développements, on essaiera de revenir dessus de temps à autre. D'ailleurs, ça aurait pu faire un magnifique sujet en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment le truc. De toute façon, on aura encore le temps d'en reparler, je crois, ouais, parce exactement. Que ça se finit en novembre prochain. 2011. Ouais, on en parlera en novembre. Ouais, on en reparlera. D'ici là, on sera au combien? Au 60e ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Ça sera vraiment bizarre, quoi. Ok. Alors, attends. Hop. Donc, après tout ça, je voulais parler d'un truc un peu plus terrien. Alors, je vais parler de Google pour une fois. Hein. Une fois n'est pas coutume, faire un peu de tech plutôt que de la science. Mais vous allez voir que c'est assez proche. Parce que Google, dans une petite vidéo qui est vraiment très sympathique, on vous mettra sur le blog, a fait vraiment une petite vidéo sur son nouveau système d'exploitation. Et le petit truc intéressant, c'est qu'ils ont mis un Easter egg, donc un œuf de Pâques en français. Donc, des petits indices. En fait, c'était juste un tableau avec des équations. Et tu connais mon goût pour les tableaux et les équations, hein. Ah, dès que tu vois un tableau, toi. Ouais. Non, mais ça c'est. Il faut la résoudre. Faut la résoudre, quoi. Mais j'ai pas été le plus rapide parce que. Mais Cocorico, c'était une équipe française. C'est l'équipe du site Jamendo. Ah, et Donc, Jamendo. ouais, Jamendo, Jamendo donc. qui a équipé tous les podcasts amateurs de génériques comme le Voilà. nôtre. Donc, ouais, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, Jamendo, c'est un site de musique libre, enfin, qui permet d'avoir accès à des musiques qui sont libres de droits, qu'on peut télécharger, qu'on peut modifier, qu'on peut prendre pour les génériques de podcasts. Donc, c'est pour ça que dans la communauté des podcasteurs, on la connaît bien, quoi. Et donc, cette équipe Jamendo, super sympathique, a résolu l'énigme qui a amené à une adresse internet, et en la tapant dans n'importe quel navigateur, on tombait sur un formulaire pour gagner le premier ordinateur Google, le CR48. Ah, Voilà. chouette. Moi, j'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment super chouette, parce que c'était vraiment, pour une fois, que les geeks de science, ceux qui adorent les équations, les maths, gagnent quelque chose, quoi. C'est vraiment super, quoi. Ouais, c'est sympa. Bon, c'était bien gratiné Ah comme équation. Donc il y oui. avait non seulement l'équation à résoudre, et puis après il y avait un peu de cryptographie aussi. Oui, pour savoir à quoi correspondait le gros chiffre qu'on trouvait, quoi. De toute façon, on vous mettra l'équation. On vous mettra la capture d'écran de l'équation. Vous verrez, quoi, c'est assez gratiné. Mais pour résoudre ça, ils ont un petit peu triché quand même. Enfin, ils ont utilisé un magnifique outil qui est Internet. Ils ont utilisé, et plus particulièrement, ils ont utilisé Wolfram Alpha. Alors, c'est un site, on mettra l'adresse, qui permet de faire vraiment du calcul symbolique avec des équations, tout ça, sans trop se forcer, quoi. Je vous mettrai un exemple. Par exemple, faire une intégration, ça prend 2 secondes. Il y a juste à marquer, en anglais bien sûr, integrate l'équation, et après de d'où à où, et ça vous donne directement le résultat, quoi. Et c'est vraiment magique. Ça permet. C'est vraiment un outil que j'avais découvert il y a très longtemps, et qui là, a permis de gagner un ordinateur, quoi. Et c'est vraiment super sympa. Tu connaissais, toi, Wolfram Alpha? Ouais, je le connaissais. Ouais. Il avait été présenté il y a quelques mois comme un Google killer. Je crois qu'il n'a pas Ouais. vraiment atteint ses objectifs, mais c'est intéressant quand même, effectivement. Oui, donc toujours d'utiliser le truc, quoi. Et voilà, et Google, toujours dans son côté un peu geek, un peu nerd, qui fait des petits trucs pour nous, quoi. Ils pensent à nous dans leur vidéo, c'est cool. Ah, merci Google. Bonne. Google est ton ami, comme on dit, quoi. Yep. Donc, voilà. Et donc, là, sans grande transition, hein, on arrive aux deux sujets. Donc, tu vas commencer par quoi, mon petit Alan? Alors, aujourd'hui, on va être ça va être un podcast très très cérébral, en fait. Donc, on est en train de traiter les sujets qui avaient été demandés par les auditeurs. Par rapport à ce qu'on a annoncé la semaine dernière, on a un peu inversé nos sujets. Je ne sais plus pourquoi, mais enfin voilà, c'est moi qui traite de plasticité neuronale. Et puis toi, tu nous parleras du contrôle cérébral. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, comment on peut déplacer des objets, simplement par la pensée. Vous allez voir, c'est génial. Ouais. Donc, toi, tu commences. En fait, moi, Vas-y. j'ai fusionné. Enfin, on a décidé de fusionner deux sujets. On va parler de plasticité neuronale, mais aussi de comment la lecture influence le cerveau. Finalement, c'est un peu le même sujet. Donc, contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre, la plasticité neuronale ne consiste pas à avoir un cerveau en plastique, comme celui d'une poupée Barbie. Alors on va commencer, comme toujours, par une petite incursion au pays magique de Wikipédia, où on y apprend que la plasticité neuronale, ou neuroplasticité, ou encore la plasticité cérébrale, sont des termes qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau, et plus particulièrement celui de l'homme, enfin de l'homme et de la femme, de l'humain, est capable de se modifier par l'expérience. En d'autres termes, notre cerveau est comme un CD regravable ou une cassette. Quand on y encode de l'information, on change effectivement sa structure. Enfin, reprenons Wikipédia. Donc, le cerveau est ainsi qualifié de plastique ou de malléable. Ce phénomène intervient durant le développement embryonnaire, l'enfance, la vie adulte et les conditions pathologiques, c'est-à-dire lésions et maladies. Il est responsable de la diversité de l'organisation fine du cerveau parmi les individus, l'organisation générale étant quant à elle régie par le bagage génétique de l'espèce. Et puis également des mécanismes de l'apprentissage et de la mémorisation chez l'enfant et l'adulte. La plasticité neuronale est donc l'une des découvertes récentes les plus importantes en neurosciences et montre que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. Voilà pour la définition de Wikipédia. Donc si on prend un exemple concret, celui qui nous a été demandé, celui de la lecture par exemple, ben voilà, la lecture c'est une magnifique invention de l'humanité. Il n'y a absolument aucun équivalent dans la nature pour cette forme subtile de communication qui consiste en fait à décoder des symboles visuels qui eux-mêmes représentent par écrit le langage oral. Donc, c'est quand même un processus assez complexe. La lecture est forcément indissociable de l'écriture. Les premières traces d'écriture attestées, c'est l'écriture cunéiforme de l'Empire sumérien qui remonte à quelque 5300 ans. Donc 5300 ans, ça a l'air long comme ça, mais sur l'échelle de l'humain. Exactement, sur l'échelle de l'évolution, c'est un clignement d'œil à peine de sourcils. Et puis l'apprentissage systématique généralisé de la lecture, quant à lui, ne remonte qu'à quelques dizaines, voire centaines d'années, suivant l'endroit de la planète où on se trouve. Pourtant, tous les êtres humains, ou presque, on dira, ont cette capacité à lire. Alors est-ce que ça veut dire que notre cerveau était déjà pré-câblé, a priori, pour pouvoir lire ? Bah, bof, quoi, on vient de voir que la lecture est récente et que l'évolution n'a pas eu le temps de faire son œuvre à ce niveau-là, donc c'est hautement improbable. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait tous cette capacité d'apprendre à lire ? Bah, une étude récente publiée le mois passé dans la prestigieuse revue Science explique le phénomène. En fait, comme on n'a pas de système inné dans le cerveau pour assurer les fonctions de lecture, ben on bricole. On réaffecte les fonctions de certaines zones cérébrales pour assurer la lecture. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de la recherche, qui sont des chercheurs de l'INSERM et du Collège de France, tu vas pouvoir pousser un magnifique cocorico. Cocorico. Yeah. Et ils ont mesuré par IRM fonctionnel l'activité cérébrale d'adultes volontaires diversement alphabétisés. Donc l'IRM fonctionnel, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui permet de visualiser en temps réel l'activité du cerveau. Ça s'allume en fait quand une activité, ouais. Quand une région du cerveau fait quelque chose, ça s'allume sur l'écran. Vrai. On voit ce qui fait quoi. C'est vraiment fascinant quoi. Ouais. C'est le truc. D'ailleurs, juste, je t'interromps. C'est juste pour une idée que les gens ont, c'est que on a que 10% de notre cerveau qu'on utilise. Tu sais, en fait, avec ton IRM, c'est une légende urbaine. Ouais, c'est une légende urbaine ce truc parce que on voit bien grâce à cet outil qui est l'IRM fonctionnel que y a beaucoup de régions qui s'allument en même temps et que c'est pas du tout 10% quoi. Bah ouais. Donc voilà. Voilà encore un mythe qui se casse la figure à cause de la science. Voilà, on est des casseurs des mythes, mythbusters quoi. Yep. Donc si je reviens à nos chercheurs de l'INSERM et du Collège de France, ils ont formulé une théorie qui est celle du recyclage neuronal. Donc, comme c'est toi qui étais censé préparer le sujet, tu nous avais déniché un article sur un site québécois, cyberpresse.ca, qui donne la plupart des détails. Donc, on y apprend que 63 adultes ont participé à l'étude. Il y avait 10 analphabètes, donc qui ne savent pas du tout lire et écrire, 22 personnes alphabétisées à l'âge adulte, et puis 31 personnes qui avaient été scolarisées depuis l'enfance. La recherche a été menée au Portugal et au Brésil, pays dans lesquels, nous apprend l'article, j'ignorais totalement, il y a quelques dizaines d'années, il était encore relativement fréquent que des enfants n'aillent pas à l'école. Et les adultes ont été soumis à différents stimuli, tels que des phrases parlées, des phrases écrites, des mots, des visages, et puis les chercheurs ont pu ainsi comparer, en live ou presque, l'activité cérébrale d'adultes analphabètes avec celles de personnes alphabétisées, que ce soit dans l'enfance ou dans l'âge adulte, et mesurer l'impact de l'apprentissage de la lecture sur le cerveau. Et ils ont constaté que l'impact de l'alphabétisation est bien plus étendu que toutes les études précédentes ne le laissaient penser. Ça concerne aussi bien les aires visuelles du cerveau que celles qui sont utilisées pour le langage parlé. Ce qui est assez logique en fait. Hein. Donc en résumé, il y a deux aires du cerveau qui sont concernées par la lecture. L'aire du langage d'un côté, ce qui est logique parce qu'une fois qu'on a décodé les signes, il faut encore les interpréter, puis c'est la fonction du langage. Et puis les aires visuelles du cerveau d'autre part, parce que quand on lit, enfin à moins de lire en braille, quand on lit, on voit ce qu'on lit, donc il y a d'abord un décodage visuel. Et ce qui est spécialement intéressant, c'est que parmi les aires visuelles du cerveau, il y a celle qui traditionnellement est utilisée pour la reconnaissance visuelle des objets et des visages, qui cède de la place aux fonctions de lecture. Donc il y a bel et bien une redistribution des compétences cérébrales. Là, j'ai voulu aller un petit peu plus loin, en fait, quand j'ai lu ça, parce que l'article s'arrêtait là, en gros, puis j'ai déniché un autre article du New Scientist qui donnait un petit peu plus de détails. qui indique que lorsque les chercheurs ont montré à des participants des images de visage, la zone cérébrale associée à la reconnaissance de visage s'est révélée moins active chez les lecteurs que chez les analphabètes. Et les chercheurs pensent que les deux compétences, donc la lecture d'une part et la reconnaissance faciale de l'autre, sont en concurrence pour accéder aux mêmes ressources, en tout cas dans cette zone du cerveau. Alors bon, il n'est pas du tout encore avéré que la capacité de reconnaître des visages serait meilleure chez les personnes qui ne savent pas lire, précisément à cause de la plasticité cérébrale qui fait que, voilà, si on utilise moins un coin du cerveau pour une fonctionnalité donnée, bah, on va peut-être en utiliser plus un autre. Enfin, ce n'était pas l'objet de l'étude, mais peut-être que ça va être fait. Et puis, bah, tout ça confirme une autre étude qui avait été faite l'année dernière par Manuel Carreras du Centre Basque sur la cognition, le cerveau et le langage à Saint-Sébastien en Espagne, et qui avait également conclu que les cerveaux d'adultes sachant lire étaient structurellement différents de ceux qui ne savent pas lire. Voilà, donc pour cette partie du sujet, si on n'avait pas décidé de fusionner les deux sujets pour lesquels nos poditrices et poditeurs ont voté, eh ben je pourrais en rester là, j'aurais fini mon sujet, je te passerai la parole, mais voilà, j'ai encore un petit peu de boulot, parce qu'on a décidé de parler aussi de plasticité neuronale de manière un peu plus générale. D'accord. Donc, comme on l'a dit en intro, la plasticité, c'est cette capacité du cerveau à changer, à s'adapter tout au long de la vie. Donc ça se produit, on le rappelle, 1. Au début de la vie, lorsque le cerveau est encore immature et commence à s'organiser. 2. En cas d'accident cérébral, pour compenser des fonctions qui auraient été perdues ou maximiser les fonctions restantes. Et puis 3. Tout au long de la vie, à chaque fois qu'on apprend quelque chose ou qu'on le mémorise. Donc on va aborder tout d'abord la plasticité dans le contexte des lésions cérébrales. J'ai trouvé un chouette article sur sharpbrains.com. C'est en fait le blog d'une boîte qui essaie de se positionner sur le marché de la santé mentale. Mais bon, ils ont de bons articles. En tout cas, okay. Celui-ci, franchement, j'aurais pas fait mieux. Il est bien documenté, tout est bien référencé, ça respecte tous les protocoles, donc j'ai pas de soucis. Je l'ai donc simplement traduit, puis j'ai ajouté mon petit grain de sel et quelques petites définitions par-ci par-là. Donc c'est le début de l'article, enfin l'article commence comme ça en indiquant que une conséquence étonnante de la neuroplasticité, c'est que l'activité cérébrale liée à une certaine fonction peut changer d'emplacement dans le cadre d'une expérience normale, d'un traumatisme ou d'une récupération post-traumatique. L'article cite un livre qui s'appelle « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau ». Inutile de dire que je ne l'ai pas lu, mais enfin, il a l'air drôlement cool. Je l'ai mis sur ma wishlist. Ouais, ma fameuse wishlist que je n'aurais pas réussi à liquider même à la retraite, je pense. Dans lequel l'auteur Norman Doidge décrit de nombreux exemples de « functional shifts », c'est-à-dire de glissements ou déplacements fonctionnels. Dans l'un des exemples, il cite un chirurgien cinquantenaire qui est victime d'un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une attaque cérébrale, quoi. Il se retrouve avec le bras gauche paralysé. Et puis, durant sa période de rééducation, on lui a immobilisé le bras droit, donc le bon bras, main comprise, et puis on l'a envoyé nettoyer des tables. C'est un peu violent comme traitement, parce que c'est une tâche a priori impossible, bien sûr. Mais petit à petit... Le mauvais bras se rappelle entre guillemets comment bouger, donc il a réappris à écrire, à jouer au tennis, et les fonctions du cerveau qui étaient gérées par des zones détruites par l'accident se sont transférées vers des régions saines. Donc voilà, ça nous dit que le cerveau compense les dégâts en réorganisant et en formant de nouvelles connexions entre les neurones intacts. Et pour pouvoir se reconnecter, les neurones, c'est-à-dire les cellules cérébrales, doivent être stimulés par une activité. C'est pour ça qu'on l'a fait travailler, ce malheureux personnage, parce qu'il faut une stimulation pour que ça puisse marcher. Alors, je me permets d'ajouter une petite note du traducteur, c'est-à-dire du professeur Fun. Je trouve que cet exemple est vraiment à prendre avec des baguettes. Le phénomène est présenté là comme si ça marchait à tous les coups, comme s'il suffisait d'immobiliser le bras droit pour que le gauche refonctionne. C'est bien sûr pas du tout le cas. On ne sait pas du tout encore pourquoi chez certaines personnes le phénomène se produit et chez d'autres pas. Par contre, ce qui est certain, et je pense que c'est ça que l'exemple voulait souligner, c'est que dans les cas où ça marche, la stimulation a joué un rôle important, c'est un élément indispensable. D'accord. Mais tout dépend toujours du contexte, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis ça dépend de plein de paramètres qu'on maîtrise, qu'on maîtrise pas encore. Ok. Voilà, l'article parle également de la plasticité dans le contexte plus ordinaire, plus de la vie de tous les jours, de l'apprentissage et de la mémorisation. Donc, longtemps, on a pensé qu'en vieillissant, les connexions dans le cerveau se fixaient en quelque sorte, qu'on arrivait à une espèce d'état comme ça, stable, qui bougeait plus. Mais en fait, les recherches ont montré que le cerveau continue de se modifier à travers l'apprentissage tout au long de la vie. Les changements associés à l'apprentissage se passent surtout au niveau des connexions entre neurones. Donc, des nouvelles connexions peuvent se former et la structure interne des synapses existantes peut changer. Pour rappel, les synapses, c'est les zones de connexion fonctionnelle entre deux neurones. Quand on devient expert d'un domaine spécifique, par exemple, les zones du cerveau qui gèrent ces compétences-là grandissent, littéralement. Je ne sais pas si tu le savais. Ah non, je ne savais pas du tout. Ouais, donc c'est ça grossit, étonnant. Quoi. Et ça grossit, ouais. Ouais. Donc l'article rappelle le fameux exemple des chauffeurs de taxi londoniens qui ont un hippocampe plus grand que le reste du monde. L'hippocampe, c'est une zone hyper importante du cerveau chez l'humain et la plupart des mammifères qui est impliquée dans le processus de mémorisation. Et puis on l'appelle comme ça pour la petite histoire parce que ça ressemble effectivement à un hippocampe. À l'animal, ouais. À un cheval de mer, ouais. Donc... Je reviens à l'article. Les chauffeurs de taxi londoniens, nous dit-il, ont la partie postérieure de l'hippocampe plus grande que les chauffeurs de bus. C'est une étude de Maguire, Voulette et Spears qui a été conduite en 2006. Donc, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, simplement parce que cette région de l'hippocampe est spécialisée dans l'acquisition et la gestion d'informations spatiales complexes permettant une navigation efficace. Et puis les chauffeurs de taxi doivent connaître tout Londres, qui est une ville gigantesque, alors que les chauffeurs de bus, finalement, suivent toujours un trajet, nombre limité d'itinéraires. Ouais. D'accord. Et puis la différence est mesurable. J'avais lu, c'était pas dans cet article-là, dans un autre, que c'est au bout de 2 ans, en fait, que la différence est physiquement mesurable. Ça c'est rapide quand même, enfin. Ouais, non, ça va vraiment vite, quoi. On observe aussi la plasticité dans les cerveaux des personnes bilingues. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans Science, une étude d'Andrea Michelli et Alter en 2004. Donc, en fait, il semble que l'apprentissage d'une deuxième langue ne soit possible qu'à travers des changements fonctionnels dans le cerveau. Le cortex inférieur pariétal gauche, pour les spécialistes, est plus grand chez les personnes bilingues que dans les cerveaux des personnes qui ne parlent qu'une seule langue. D'accord. Ouais, un autre sujet qui va t'intéresser, une autre recherche, toujours dans le même genre. Les changements ont également été observés dans les cerveaux des musiciens par rapport à ceux des non-musiciens. Ça, c'est une étude de Geyser et Schlaug en 2003. Donc, ils ont comparé des musiciens professionnels qui jouent de leur instrument au moins 1 heure par jour à des musiciens amateurs. Et à des non-musiciens. Et puis ce qu'ils ont trouvé, c'est un plus grand volume de cortex, c'est-à-dire la substance grise périphérique des hémisphères cérébraux, la matière grise, quoi. Il y a plus de matière grise chez les musiciens professionnels et amateurs, il n'y a pas de différence entre les deux. Et le volume est plus faible chez les non-musiciens. Et ça, dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans la musique, les régions motrices, les régions pariétales antérieures supérieures et les aires temporales. D'accord. Mais est-ce qu'on peut pas généraliser ça à n'importe quelle spécialisation ? Bah, sans doute. Ouais, sans doute. Ouais. Alors, le truc, c'est que ça n'a pas été étudié. Ouais. Tu vois, on peut pas faire cette affirmation sans l'avoir vérifié systématiquement. Pour le moment, ça n'a pas été fait. Ça a été fait, un peu au coup par coup. Là, j'ai encore un exemple. Qu'indique l'article pour ceux qui auraient toujours pas compris que la plasticité s'observe dans toutes sortes de contextes. Donc cette fois, c'est Bogdan Draganski et ses collègues qui ont montré en 2006 que l'apprentissage intensif d'informations abstraites, donc tu vois, on est déjà dans quelque chose de plus général que les compétences spécifiques qu'on a abordées jusqu'ici, peut également déclencher des changements plastiques dans le cerveau. Donc ils ont mis en image les cerveaux d'étudiants en médecine 3 mois avant leur examen, et juste après leur examen, et les ont comparés au cerveau d'étudiants qui n'étudiaient pas à ce moment-là pour des examens. Et puis là aussi, les images ont montré des changements liés à l'apprentissage dans le cortex pariétal et dans l'hippocampe postérieur. Ces régions qui sont régions du cerveau qui sont connues pour être impliquées à la fois dans la récupération des souvenirs et dans le stockage, dans l'apprentissage. Attends, là tu parles de changement d'activité ou de changement de taille ? J'ai dit changement d'activité. Non, je parle de changement de taille aussi. D'accord, changement de taille, ok. Ouais. Donc voilà, moi pour ma part, j'ai appris plein de choses en préparant ce dossier. Mon cortex a dû gonfler, enfin, à tel point que j'ai dû prendre un paracétamol. Plus généralement, depuis qu'on fait Podcast Science, ça a dû bien augmenter aussi. Hein. Chaque semaine, faire des dossiers, faire des trucs comme ça, quoi. Ouais, donc, on apprend vraiment plein de trucs, quoi. Puis bon, le cerveau, c'est vraiment un sujet qui arrivera jamais à me, qui n'arrêtera jamais de me fasciner, quoi, le cerveau humain en particulier. Mais tu m'étonnes. Donc voilà, un petit merci à ma jolie Antonella, et puis à toi Hey. Antoine, dont les cerveaux constitueraient probablement des sujets d'études fascinants. Et merci d'avoir proposé ces sujets, parce que c'était toi en fait le... Ah ouais, là j'ai un petit peu triché, c'était moi Ouais. qui avait mis ça dans la liste pour pas l'oublier, mais tu l'as magnifiquement traité quoi, c'était vraiment super cool. Eh ben merci, merci. Tu vois, Ouais, ça reste le une affaire de truc. famille. C'est cool quoi. Hop là. Et puis donc, bah, dans ce numéro spécial cerveau, numéro très cérébral, c'est toi qui vas enchaîner en nous parlant du contrôle cérébral? Ouais, mais en fait, je vais commencer par une petite introduction en fait. J'ai parlé d'informatique. Tout à l'heure, j'ai parlé de Google. Là, je vais parler un peu d'informatique. Aujourd'hui, l'informatique, elle est vraiment partout, quoi. Ça envahit nos banques, nos écoles, nos maisons. Alors, même nos poches n'ont pas résisté au smartphone. Hein. Je crois que tu en sais quelque chose. No comment sur le sujet. Ouais. Alors, et en plus, ceux-ci sont vraiment maintenant bien plus puissants que nos anciens ordinateurs du début du 21e siècle. D'ailleurs, parlons d'évolution et plus précisément de l'évolution des interfaces informatique. Au tout début, il y avait le clavier, uniquement le clavier, tout à la ligne de commande, quoi. Après, est apparue la souris. À l'époque, c'était franchement déjà une petite révolution en soi, quoi. T'imagines pouvoir cliquer n'importe où, faire un drag and drop, tout ça, quoi. Ah, mais tu sais, moi je suis tellement vieux que j'ai connu la transition. T'as connu la transition? Mais Oula, oui, j'ai commencé sans souris. D'ailleurs, je connais encore par cœur tous les raccourcis clavier. Je me d'accord. débrouille très bien sans souris. Voilà, donc vive la plasticité Ouais, neuronale, hein. ouais, Maintenant, hop, maintenant tu peux utiliser une souris, quoi. Mais après, ensuite, il y a tout qui s'emballe, quoi. Il y a les manettes de jeux vidéo qui font leur apparition, elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Enfin, maintenant, il y a les écrans tactiles qui débarquent. Alors, pourquoi j'ai fait ce petit bref historique? C'était pour vous montrer l'importance de l'interface, en fait. En fait, l'interface, qu'est-ce que c'est? C'est juste quelque chose qui nous permet d'agir et d'utiliser nos machines. Mais quelle est la prochaine étape? Contrôler à l'aide de nos gestes, c'est déjà fait avec la Nintendo Wii ou plus récemment le Kinect de Microsoft. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on peut maintenant rêver de contrôler l'ordinateur familial par la pensée. Donc imaginez-vous assis confortablement dans votre fauteuil en train d'écrire un mail par la seule force de votre cerveau. Ce serait génial quoi, quand même, non? Ouais, ce serait pas mal. Le peu Voilà. de sport que font encore les doigts n'aurait Ouais. même plus lieu chez les geeks Les gros absolus. geeks. Ouais, mais en plus, moi j'ai employé le mot rêver, mais le rêve devient peu à peu réalité, quoi. C'est vraiment ça parce que tout commence, je vais raconter la petite histoire, tout commence en 99, à Berkeley, en Californie. Là-bas, il y a des chercheurs menés par un certain Yang Dan qui réussissent à visualiser sur un écran ce que pouvait voir un chat. Donc, Ok. t'imagines le truc, quoi. Le secret, c'est des électrodes directement implanté dans le thalamus de l'animal, qui n'est autre que le centre de tri des informations sensorielles. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient ces électrodes? Elles captaient et elles amplifiaient les stimuli électriques qui passaient dans la zone. Tu vois? Wow, ouais. Voilà, donc, hop. Après, il suffisait d'un logiciel informatique qui filtrait avec un algorithme incroyable, qui arrivait à filtrer le signal. Et après, le rendu final était vraiment époustouflant. Alors, pour vous donner une petite idée, vous pourrez aller voir dans le dossier, il y a vraiment l'image, quoi, je vous mettrai, c'est vraiment époustouflant, quoi. Donc on voit la vidéo de ce qu'on arrive à Non, voir à travers les yeux du en chat, c'est fait, ça? en fait, le protocole, c'était qu'on plaçait le chat devant un écran avec un court film, en fait, un petit court film. Et en fait, tu vois plusieurs images du film. Plusieurs images, et en fait, tu vois ce que le chat devrait voir, et tu vois la reconstitution du truc. On reconnaît vraiment les formes et on reconnaît vraiment le truc. Vous verrez, c'est vraiment absolument époustouflant, Ah quoi. ouais, je me réjouis de voir ça. Ouais. Après, là, c'était vraiment la première étape, 99, tout ça. Elle a eu vraiment le mérite de confirmer la viabilité du concept de BCI. Alors, BCI, c'est l'acronyme de Brain Computer D'accord. Interface, ou Interface Cerveau-Ordinateur. Alors, ces BCI, ça arrive début des années 2000 après. Il y a un chercheur brésilien, Miguel Nicolelis, qui va faire encore plus fort. Alors, encore grâce à des électrodes, mais cette fois-ci greffées dans le cerveau d'un singe, il va lui apprendre à se servir d'un bras robotique pour attraper divers objets. Tu vois, là, c'est vraiment encore plus fort, quoi. Cette expérience-là, elle sera reprise et améliorée maintes et maintes fois, quoi. Vous pouvez d'ailleurs en voir un exemple en vidéo dans le dossier, toujours, tiré de l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Là, en fait, tu vois le singe. Bon, c'est un peu triste parce qu'il est, il est un peu dans, il est entravé et tout ça. Et en fait, tu le vois et tu vois un robot, un bras robotique comme ceux dans les usines industrielles, quoi. Et avec ça, il arrive à le manipuler pour attraper un objet, pour le tourner. En fait, c'est un exercice. Et après, on le nourrit en guise de récompense, quoi. Ouais, Donc, pauvre singe. Il faut bah, être. c'est un peu bof singe, quoi. Mais voilà, quoi. Vous verrez, la vidéo est un peu triste, mais ça a eu le mérite de faire avancer Ouais, un de peu la faire avancer science, le quoi. dossier, ouais. C'est ça. Et alors, mais dans le domaine des implants cérébraux, hein, là, la palme, elle revient vraiment au docteur Philippe Kennedy de l'université d'Atlanta. Alors, toujours au début des années 2000, il aura été quand même le premier à greffer une interface dans un cerveau humain. Alors, Wow. là, ouais, c'est vraiment l'étape encore au-dessus. Alors, le tout premier homme bionique, hein, on peut l'appeler comme ça, hein, je crois, hein, il s'appelait Johnny Ray. Et à l'époque, il souffrait d'une paralysie totale du corps, au plus communément appelé syndrome d'enfermement. Tu vois, parce que, en fait, Ouais. il pouvait absolument rien bouger à part les paupières. Wow. Donc, D'accord. vraiment de quoi rendre vraiment totalement fou, quoi. Alors, grâce à l'équipe du docteur Kennedy, ce BCI, donc cette interface, permettait à Monsieur Ray de s'échapper de sa prison corporelle. Son implant, il était relié à un ordinateur, le rendait capable de déplacer un curseur à l'écran rien qu'en y pensant. Ah oui, d'accord, je me souviens. Tu vois le On truc? en avait Et beaucoup parlé à l'époque, ouais. ouais, c'était vraiment énorme. Et il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est par Roy Becker, le neurochirurgien qui a effectué l'opération délicate. Il avait dit à l'époque, on a juste placé la souris dans sa tête. Tu vois le truc, quoi. Et comme ça, en toute simplicité, alors que imaginez les répercussions, quoi. Alors attention, hein, il faut quand même mettre un petit bémol. Cette prouesse n'a été possible qu'après un très très dur entraînement, quoi. Comme tu parlais de plasticité neuronale, on est vraiment là-dedans, quoi. Il faut apprendre à utiliser ce truc, quoi. Donc à faire des implants, à faire des stimulations pile sur cette électrode-là, quoi. Pour Ouais. ça, en fait, ça a été l'étape préliminaire avant de faire ça. Ça a été de faire une IRM fonctionnelle de son cerveau et de lui demander de déplacer, enfin de penser, puisqu'il pouvait pas déplacer, de penser à déplacer son bras droit. OK. Ok? Donc en fait, ça a fait une cartographie de son cerveau à ce moment-là, et on a implanté donc l'électrode, ben, pile au-dessus des zones qui étaient allumées, quoi. D'accord. Tu vois? Donc là, on Donc est une. vraiment en plein dans le truc, quoi. Ouais. Et voilà, et comme ça, maintenant, s'il s'imagine déplacer son bras droit à droite, ben, c'est le curseur qui se déplace à droite. À gauche, c'est à gauche, quoi. Tu vois le truc? Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment D'accord. incroyable, quoi. Ouais. Donc là, ben, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une réorganisation cérébrale pour pallier au manque, quoi. Ben, là, c'est vraiment un nouveau moment, quoi. C'est vraiment énorme. D'accord. Et Et donc, dans son cas, il avait quand même un chip qui était implanté dans le cerveau. ouais, une électrode, ouais. Ça, on appelle ça. C'est une technique invasive. Invasive. D'accord. Oui, parce que il y a d'autres techniques qui sont beaucoup moins fiables, qui utilisent. Là, je me suis un peu renseigné, qui sont juste des casques, tu sais, que tu mets sur ta tête et qui permettent de regarder, enfin, d'interpréter les zones, les ondes du cérébral, qui sont les ondes. Là, on parle d'ondes mu. Faudra que je me renseigne sur quoi. Désolé, j'ai pas fait le truc. Mais ce sont des ondes et c'est bien moins efficace parce qu'elle est beaucoup plus sujet à des artefacts, à des instabilités, quoi. Là, c'est vraiment des électrodes qui sont à l'intérieur même du cortex et elles sont vraiment très stables, quoi. Mais malheureusement, là, ce monsieur Ray, il est mort en 2002 d'une rupture d'anévrisme. Mais bon, l'implant, là, n'en était pas du tout la cause. Il était vraiment très stable et en fait il n'y avait aucun signe de rejet, quoi, tu vois. D'accord. Il y avait même des neurones qui s'étaient mis qui avaient fait des connexions autour, et ça avait fait comme un mini cerveau, quoi, à l'intérieur, tu vois, un mini cortex. C'est vraiment passionnant, quoi. C'est Et incroyable. mais ce que nous apprend le cas de John Ray, même s'il est mort, c'est que les BCI, les interfaces homme-machine de cette génération-là sont, c'est vraiment possible, quoi. Ça peut sembler encore une technologie balbutiante, mais elle pourra à coup sûr améliorer beaucoup de vies. Vous pouvez imaginer par exemple que relié à des stimulateurs musculaires, on pourrait envisager de rendre à des paralysés l'usage de leurs membres. Tu vois, c'est en fait les paralysés, par exemple un paraplégique, la seule chose qui cloche, c'est juste sa moelle épinière, quoi. C'est le circuit qui va jusqu'à ses membres. Là, on imagine juste une puce qui soit placée dans le cerveau et en fait reliée à un ordinateur qui stimule ses muscles, quoi. Et là, en fait, il pourrait les recontrôler lui-même. On pourrait court-circuiter la moelle épinière, quoi. Ce qui a D'accord, été ouais, super intéressant. Ouais. Là, c'est le cas que Philip Kennedy préfère, quoi. Mais il y a aussi beaucoup d'autres applications. Il y a d'autres qui sont bien un peu moins jolies, comme les militaires qui veulent par exemple diriger des drones sans les mains, comme ça, juste à la force de la pensée, des trucs comme ça. Il y a certains grands fous, peut-être maintenant encore, mais qui seront peut-être des visionnaires plus tard, qui rêvent déjà de l'étape suivante, tu vois. Des puces qui pourraient non seulement nous donner le don de contrôler nos machines, mais pourquoi pas aussi celui de communiquer par la pensée. Tu mets tout ça par puce interposée, quoi. Je t'envoie un texto par ma puce, tu le reçois sur ta puce, et voilà, quoi. Ouais, ça promet. Ça promet des échanges, un tout nouveau réseau social, tu vois le truc. Ouais, je vois bien, ouais. Et donc voilà, quoi. Mais là, on en est encore vraiment au balbutiement, mais c'est vraiment. Ce que j'ai vraiment aimé dans le traitement de ce dossier, c'est que là, on est resté dans l'optique d'un traitement médical. Rendre les jambes à quelqu'un, ou rendre la vue, ou permettre à des gens qui ont le syndrome d'enfermement, donc une paralysie totale, de communiquer, quoi. Mmh. Là, c'est vraiment les premières applications et qui sont déjà directement concrètes et qui permettent vraiment d'améliorer beaucoup beaucoup de vie, quoi. Mais je crois que dans ce domaine, qu'on rêve ou qu'on rêve pas, la réalité n'a jamais été aussi proche de la science-fiction, quoi. On y est, quoi. Ouais, tout ce qui est implants cérébraux, tout ça. Là encore, c'est la première étape. C'est vraiment là, c'est nous qui contrôlons la machine. Mais imagine, sans parler de contrôle de la machine sur nous, imagine juste qu'on puisse avoir des puces qui nous permettent de recevoir Internet dans la tête, quoi. Des choses comme ça. Ouais, ça réglerait un de mes problèmes. Ouais. J'aimerais m'isoler à la montagne et devenir berger, faire des vraies choses simples, du fromage. Mais Internet me manquerait quand même un peu, du coup, je suis pas prêt. Mais alors, avec ça, une petite puce et hop. Ouais. Bon, on y songera. Donc voilà, quoi. Là c'est toujours un balbutiement, mais peut-être on y sera, quoi. Donc voilà. Ok, excellent. Mais donc la recherche pour le moment se porte surtout sur ce genre d'expérience où on implante des puces encore, les ondes mu, ondes alpha, ce genre de choses, c'est pas... Décrompe-toi, parce qu'il y a... Attends, il faut que je te retrouve ça. Il y a une entreprise qui commercialise pour $249 des casques à ondes mu pour nous permettre de jouer aux ordinateurs, ouais, jouer sur PC. $249, mais c'est rien du tout. Ouais. Ouais, c'est rien du tout. Bon, ah, d'accord, donc c'est déjà bien industrialisé comme oui, processus. Oui, ça surfe sur le concept. Mais de toute façon, tu sais, on a toujours fait des électroencéphalogrammes, quoi. Exactement, ça, depuis très longtemps, on en fait. Et donc, en fait, capter ces ondes, c'est pas le plus difficile. C'est après le traitement, quoi. Le traitement du signal, qu'est-ce que ça veut dire, cette onde-là, quoi. Et en fait, j'avais vu que sur le site, il y a même écrit, il faut que je retrouve le truc, mais je vous le mettrai en lien. Mais sur le site, il y a écrit, pour ceux qui veulent essayer de contrôler l'ordinateur, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, il suffit pas d'enfiler le casque et puis. Il suffit pas d'enfiler, de se dire wow, voilà, je suis maître de la machine. Il y a forcément un gros apprentissage, quoi. Tu dois penser à un truc et puis ça va être. Ça va être interprété. Faut le calibrer, faut le contrôler, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme tout, quoi, hein, c'est un apprentissage comme un autre. Et là, en plus, il y a des trucs. Sauf si t'es prêt à te raser le crâne pour pas qu'il y ait d'interférence, tout ça. Pour les poser, quoi. C'est assez chaud, mais là c'est non évasif, c'est l'avantage par rapport à ces puces, ces électrodes là qui sont, elles, vraiment dans le cerveau, quoi. Ouais. Avec tous les risques que ça incombe de mauvaise chirurgie, tout ça, quoi. Il faut se raser le crâne, tu dis, pour que ça puisse marcher. Donc les cheveux font barrière au passage Non, non, des ondes il mues. faut pas. Non, non, il faut pas se raser le crâne, mais c'est plus sensible, c'est plus, y a moins d'interférences si tu te rases le crâne, en fait. Ah ouais, Tu c'est vois? intéressant. Ouais, Ouais. ouais. Si tu mets ou des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça, quoi. Moi, D'accord. je suis pas encore prêt de faire le truc, quoi. Mais bon, Ouais, s'il y en a qui veulent tester, hein, 249 $ bah écoute, si je pour un deviens cadeau de berger, Noël. finalement, je m'en foutrais un peu d'avoir le crâne rasé. Je pense que les moutons s'en tapent. Oui, et le ridicule ne tue pas, quoi. Un casque à Ouais, électrode. exactement. Le jour où je suis prêt, je te dirai. Toi, t'es prêt à tout, quoi. C'est fou, Ça, c'est lazy man, quoi. Prêt à la paresse, quoi. Donc voilà. Non, mais je suis content de savoir que les premières applications sont vraiment médicales et pas juste pour nous permettre de zapper la télé dans notre fauteuil, quoi. ouais, ça viendra, ça viendra. Ouais, bah, ça viendra, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est assez encore. Ça, c'est cool. Ouais, Donc bah voilà. chouette, Voilà. super. Et voilà, bah, fin de mon dossier. Donc, celle-là, c'était vraiment un podcast science spécial cerveau, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc. Et j'aime bien le fait de faire ces sujets thématiques parce que ça permet de rebondir l'un sur l'autre, quoi. Pouvoir dire ce que par rapport à ce que tu as dit sur la plasticité neuronale, quoi. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est cohérent, c'est Ouais. pas mal. Et donc un autre petit sujet d'actualité, tu voulais faire un petit plug, je crois, en cette période Ouais, de grand alors froid. ça, non, ça c'est pas vraiment un plug, c'est un truc qui m'a étonné. J'ai entendu ça dans quoi est-ce que j'ai entendu ça déjà? Dans Place de la Toile, de Xavier Delaporte qui passe sur France Culture Ouais, un le podcast samedi vraiment, ou le dimanche. Ouais, alors. vraiment sympa, Qui est quoi. disponible en podcast, un podcast absolument génial, quoi. C'est un truc C'est qui est bon pour la plasticité neuronale. Je voilà, me sens voilà. toujours plus intelligent Là, après l'avoir écouté. on va avoir un nouveau label, quoi. Bon pour la Ouais, plasticité neuronale. exactement. Faudra qu'on leur en Ouais, propose. donc pour ceux qui connaissent pas, on mettra le lien, mais Place de la Toile, c'est vraiment à suivre. C'est les nouvelles technologies, tout ça. C'est un regard sur les nouvelles technologies, mais Mais surtout sur avec des leur. experts, ouais. Ouais, et puis leur impact sur les Ouais, sociétés, enfin sur les sociétés, tout ça, ouais. c'est vraiment vraiment top. Et Et puis tout enfin leur bref, initiative, quoi. là un des invités parlait de Flow Trends, qui est un projet de google.org. Donc l'adresse on la mettra sur le site google.org/flowtrends, FLUTRENDS. C'est une idée absolument géniale en fait. On est parti de l'hypothèse que quand les utilisateurs de Google commencent à décrire des symptômes de grippe dans leurs requêtes, c'est probablement parce qu'ils en souffrent. Donc ils veulent s'assurer que c'est bien la grippe. Et puis du coup, il y a tellement de requêtes sur les serveurs Google à travers la planète qu'on arrive à dégager une tendance qui a quelques 2 semaines d'avance sur les chiffres C'est officiels vraiment et puis énorme, qui la reflète. Enfin, qui la précède, quoi, mais qui est correcte. C'est-à-dire qu'avec ce truc, on arrive à prédire, l'épidémie de grippe. Donc, bon, pour le moment, tout va bien. On est tous enrhumés, mais on n'est pas en ouais. en pleine phase On n'est pas en grippe, non. d'épidémie. Ouais. On est encore Mais au niveau vraiment bas. intéressant, quoi. Alors voilà, c'est pas directement lié à nos sujets, mais ça m'a tellement épaté que j'ai eu envie de le partager. Non, Et puis mais c'est sinon, vraiment bah, cool, ouais. on arrive déjà au terme de l'émission. Il nous manque Mathieu pour nous faire une quote magistrale comme lui seul sait les faire. Ouais, donc c'est pour ça on essaye de pallier à ça, donc et le seul moyen c'est de faire une côte chacun, je crois, parce que Bah les côtes de Mathieu ouais. Il elles en sont faut trop inspirantes, au quoi. moins deux petites. Ouais, Exactement. Mathieu revient vite parce qu'à coup de deux quotes par semaine, ça va pas le faire. donc voilà, ben, je vais commencer, hein. Tu Ok. traduis? On essaye. Alors, une côte de Arthur Clarke. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Excellent. Voilà. Désolé Donc, pour l'accent. n'importe quelle technologie suffisamment avancée ne peut pas être différenciée de la magie, je Voilà. dirais. Ouais, j'adore cette quote. En tant que qu'ancien prestidigitateur, elle me fait. J'adore. J'adore. Ouais, C'est et vrai que fan de la fin. technologie, tu portes les deux casquettes. Voilà, ben la frontière entre les deux, ouais, c'est vrai que c'est vraiment mince, quoi. Là, Ouais. y a 20 ans, on disait par exemple il y a 20 ans qu'on pourrait déplacer un curseur avec juste la force de la pensée, tu l'aurais pas cru, tu aurais cru que c'était de la magie, quoi. Ouais, non, mais la plupart des gadgets technologiques Ouais, qu'on a aujourd'hui, quoi, tout. t'es perdu, tu dégaines ton smartphone, t'as une carte qui apparaît, qui t'indique où tu es, par où il faut passer, enfin, c'est hallucinant. Voilà, quoi, Il y a c'est ça, quelques là. années, c'était de la science-fiction, effectivement. Puis, C'est bien ça, ça. ouais, on s'y habitue, plasticité neuronale oblige, hein, mais quand même, il y a des petits chocs comme ça. Voilà, la première fois que j'ai vu un iPad pour de vrai, ça m'a fait un peu cet effet. Il y a un truc un peu magique quand même, avoir cette image qui apparaît d'une chose complètement Ah plate, et ouais? puis tu peux interagir juste en bougeant les doigts. Ouais. Moi, c'est vrai que c'était la première fois que j'avais un ordinateur. Ça m'avait fait ça. C'est vraiment le truc de donner des instructions et que ça te répondait et tout ça. C'était vraiment génial. Ah ouais, Donc, voilà. parce qu'il répondait, il obéissait à tes instructions. Voilà, c'était. Ça peut aussi ne pas être magique du tout. Ben non, pour moi, c'était totalement magique tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Donc voilà, ben Arthur Clarke, magnifique quote. Ouais, Donc, très chouette. et donc la tienne? Alors la mienne, je suis allé la piquer à Carl Sagan, qui est bah, le regretté Carl Sagan, qui est un personnage que j'adore, quoi. Un authentique génie du XXe siècle, auteur de science-fiction, mais avant tout flûte. Qu'est-ce que c'était sa fonction déjà? Il était pas astronome, il était ah mince, je me rappelle pas. C'est pas très grave, ça reviendra. Mais enfin bref, c'est lui qui a mis sur pied le programme SETI de recherche extraterrestre, par exemple. C'est lui qui a écrit Pale Blue Dot, un des romans les plus poétiques que j'ai jamais lu. Enfin, roman non, ça c'est de la science populaire, comme disent les anglophones. Mais c'est touchant de beauté, c'est hyper émouvant. C'est lui qui avait écrit Contact aussi, qui a fait l'objet, enfin qui a été transformé en film, interprété par Jodie Foster, qui était vachement bien. Là, c'était de la science-fiction, par contre, c'était pas de la science. Mais enfin, là aussi, tellement super bien documenté que il y avait tellement de science que c'en était de la science-fiction quasi quasi vraisemblable. Enfin bref, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et puis la quote que j'ai dénichée, elle nous dit, donc c'est de nouveau en anglais, il faudra qu'on revoie nos sources. Je la dis, puis tu la traduis. Pas de souci. Science is not only compatible with spirituality, it is a profound source of spirituality. Vraiment joli, je l'adore. Alors, la science n'est pas seulement compatible avec la spiritualité, elle est aussi une profonde source de spiritualité. Ouais, je trouve ça Voilà. magnifique, ça me parle. Ouais, ça c'est de l'inspiration, quoi. Voilà. Absolument. Petit moment. Yep. Donc Voilà. là, en somme, on a plus rien à dire. On a fini. Voilà, on a fini, je crois. Voilà. Est-ce qu'on donne rendez-vous à nos poditrices et poditeurs la semaine prochaine? La Ouais, semaine ben. prochaine, c'est Noël, tout ça. Je crois qu'on promet rien, en fait. On Voilà. va voir Je pense que si c'est la on meilleure solution. enregistre. Exactement, si on enregistre un épisode, on va peut-être pas le faire jeudi soir, sachant que les gens auront autre chose à faire vendredi pour le réveillon de Noël que d'écouter nos élucubrations. Donc si jamais on arrive à être prêt pour enregistrer une émission lundi ou mardi, bah on le fera. Bonne surprise dans vos lecteurs de podcast. Sinon, on se retrouve l'année prochaine. Voilà. Ah, ça fait tout bizarre. Ouais, Et ouais. ouais. Ok, Bon, alors bah voilà. peut-être bonne année, peut-être pas. Peut-être à la semaine Voilà. prochaine, peut-être pas. Tout est une question de Suspense. certitude. Exactement. Allez, ben, ciao, ciao, Alan. Eh ben, ciao mon ami. Quand on se voit la prochaine fois, on verra Voilà, bien à quand la c'est. prochaine. Ok, ciao tout le monde. Ciao.